On atteignit le fleuve aux belles eaux courantes. Les lavoirs étaient là, pleins en toute saison. Une eau claire sortait à flots de sous les roches, de quoi pouvoir blanchir le linge le plus noir. Les mules dételées, on les tira du char, et, les lâchant au long des cascades du fleuve, on les mit paître l'herbe à la douceur de miel. Les femmes avaient pris le linge sur le char, et, le portant à bras dans les trous de l'eau sombre, rivalisaient à qui mieux pour le fouler. On lava, on rinça tout ce linge sali. On l'étendit en ligne aux endroits de la grève où le flot, quelquefois, venait battre le bord et lavait le gravier. On prit le bain et l'on se frotta d'huile fine, puis, tandis que le linge au clair soleil séchait, on se mit au repas sur les berges du fleuve. Une fois régalées, servantes et maîtresses dénouèrent leurs voiles pour jouer au ballon. Pour entrer au logis, l'heure approchait déjà de plier le beau linge et d'atteler les mules. C'est alors qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, voulut pour ses desseins qu'Ulysse réveillé vit la Vierge charmante et fut conduit par elle au bourg des Phéaciens. Elle lançait la balle à l'une de ses femmes. Mais la balle, manquant la servante, tomba au trou d'une cascade et fit aussitôt de pousser les hauts cris. Et le divin Ulysse éveillé de s'asseoir. Son esprit et son cœur ne savaient que résoudre. Hélas, en quel pays, auprès de quel mortel suis-je donc revenu? Chez un peuple sauvage, des bandits sans justice, ou des gens accueillants qui respectent les dieux? Qu'entends-je autour de moi? Des voix fraîches de filles ou de nymphes, vivant à la cime des monts, à la source des fleuves, aux herbages des combes? Mais allons, de mes yeux, il faut tâcher de voir. Et le divin Ulysse émergea des broussailles. Sa forte main cassa dans la dense verture un rameau bien feuillu qu'il donnerait pour voile à sa virilité. Puis il sortit du bois. Tel un lion démon qui compte sur sa force s'en va, les yeux en feu, par la pluie et le vent, se jeter sur les bœufs et les moutons ou court forcer les daims sauvages jusqu'à la ferme close, attaquer le troupeau. C'est le ventre qui parle. Tel, en sa nudité, Ulysse s'avançait vers ses filles bouclées. Le besoin, elle, poussait. Quand l'horreur de ce corps, tout gâté par la mer, leur apparut, ce fut une fuite éperdue jusqu'aux franges des grèves. Il ne resta que la fille d'Alcinoos. Athéna lui mettait dans le cœur cette audace et ne permettait pas à ses membres la peur. Debout, elle fit tête. Ulysse réfléchit. Irait-il supplier cette fille charmante et la prendre aux genoux? Ou, sans plus avancer, ne devait-il user que de douces prières afin de demander le chemin de la ville et de quoi se vêtir? Il pensa, tout compté, que mieux valait rester à l'écart et n'user que de douces prières. L'aller prendre aux genoux pouvait la courroucer. L'habile homme, sitôt, trouva ces mots touchants. « Je suis à tes genoux, ô reine, que tu sois ou déesse ou mortelle. Déesse chez les dieux, maître des champs du ciel. Tu dois être Artémis, la fille du grand Zeus. La taille, la beauté et l'allure, c'est elle. N'es-tu qu'une mortelle, habitant notre monde? Trois fois heureux ton père et ton auguste mère, trois fois heureux tes frères. Comme en leur cœur charmé, tu dois verser la joie, chaque fois qu'à la danse, ils voient entrer ce beau rejet de la famille. Et jusqu'au fond de l'âme, et plus que tous les autres, bienheureux le mortel, dont les présents vainqueurs t'emmèneront chez lui. Mes yeux n'ont jamais vu ton pareil, homme ou femme. Ton aspect me confond. Vois mon cruel chagrin. Hier, après 20 jours sur les vagues vineuses, j'échappais à la mer. 20 jours que sans arrêt depuis l'île Océane, les flots m'ont rapporté sous les coups des rafales, lorsque les dieux enfin m'ont jeté sur vos bords. N'est-ce pour y trouver que nouvelles souffrances? Je n'en vois plus la fin. Combien de maux encore me réserve le ciel? Ah, reine, prends pitié. C'est toi que la première, après tant de malheurs, ici j'ai rencontré. Je ne connais que toi parmi les habitants de cette ville et terre. Indique-moi le bourg. Donne-moi un haillon à mettre sur mon dos. N'as-tu pas, en venant, apporté quelques housses? Que les faveurs des dieux comblent tous tes désirs. Qu'ils te donnent l'époux, un foyer, l'union des cœurs, la belle chose. Il n'est rien de meilleur, ni de plus précieux, que l'accord au foyer de tous les sentiments entre mari et femme. grand dépit des jaloux, grande joie des amis, bonheur parfait du couple.